Chapitre 3e. Après le départ du marchand de biens, Edme et Clément restèrent quelques minutes silencieux. Dans la salle, que la tombée du crépuscule assombrissait déjà, ils méditaient sur l'étrange visite de Goupillard, et les impressions reçues se traduisaient sur le visage de chacun des deux jeunes gens par des jeux de physionomie différents. L'aîné paraissait soucieux. Des plis verticaux barraient son front carré et rapprochaient ses épais sourcils. Clément, au contraire, s'épanouissait. Un éclair de triomphe luisait dans ses yeux bleus et gonflait ses narines mobiles. « Tu vois ? » s'écria-t-il impétueusement. « Cet agent d'affaires qui est, lui aussi, un homme pratique, croit à l'existence du trésor. » Les suppositions que m'avaient suggérées les demi-confidences de la tante Charmette n'étaient donc pas tellement chimériques. À preuve, les bruits qui courent au chanois et la démarche de Goupillard. « Parbleu ! » murmura Edme. « Les chercheurs de trésors sont facilement crédules. » Les moindres commérages allument leurs convoitises, ils accourent en bande, comme des moineaux auxquels on a jeté des miettes de pain. Ils prennent volontiers pour des réalités la fumée de leurs rêves. « Il n'y a pas de fumée sans feu, » répliqua vivement le cadet, « et nous aurions tort de négliger les indications contenues dans les papiers de la tante. » « Ce que je vois de plus clair là-dedans, » reprit Edme vexé, « c'est que cet intrigant va répandre des bruits fâcheux et que cela nous suscitera toutes sortes d'ennuis. » Monique, apportant la lampe et venant dresser la table, interrompit la discussion. Quand la nappe fut mise et le souper servi, les deux frères s'assirent en face l'un de l'autre et avalèrent leur potage sans souffler mot. L'abstinence du matin les avait affamés, et en dépit de leurs préoccupations, ils mangeaient cette fois de bon appétit. Tout en changeant les assiettes, Monique, agacée de leur mutisme, tournait autour d'eux nerveusement. « Eh bien ? » demanda-t-elle enfin, impatientée. « Que voulait donc ce mort, ce mauvais sujet de Goupillard ? Méfiez-vous, c'est un pêcheur en eau trouble. »« Rassure-toi, » répondit évasivement l'aîné. « Il essayait de nous tirer les vers du nez, mais il en a été pour ses frais. Il s'en est retourné bredouille. » Dès que la nappe eut été enlevée, Edme empoigna la lampe et dit à son frère, « Peut-être as-tu raison. Il est de notre devoir d'éclaircir ce mystère. Remontons là-haut et procédons à un nouvel examen. » Clément, enchanté, emboîta le pas. Elles rentrèrent dans la chambre de la défunte, dont les volets étaient fermés et où la clarté de la lampe promenait des ombres démesurées sur les murs et sur les solives du plafond. Ils ouvrirent le tiroir aux paperasses et, déposant le dossier sur un guéridon, s'assirent côte à côte pour étudier minutieusement chacune des notes qu'Edme avait d'abord irrévérencieusement traitées de rébus. Sur la première feuille, la main inexpérimentée de Mademoiselle Charmette avait gauchement tracé une ébauche de plan. Puis, sur des chiffons de papier, se succédaient des notes abrégatives et parfois hiéroglyphiques. Enfin, à cette dernière note se trouvait épinglée une feuille de contribution pour l'année 1874, relative à une pièce de trèfle et à la friche de la vignée, avec une quittance à l'appui. Tête rapprochée, les yeux fixés sur les paperasses du dossier, les deux jeunes gens, avec une mine déçue, relisaient pour la troisième fois ces lignes énigmatiques. « Tu comprends, toi ? » interrogea Edme ironiquement. « Pas trop, » repartit Clément. « Je t'avoue même que les écritures chiffrées s'embrouillent devant mes yeux. Je sens comme une roue de moulin tourner dans mon cerveau et je tombe de sommeil. »« Pauvre garçon, tu as eu une pénible journée, et ta fatigue est bien excusable, » dit Edme apitoyé. « Sais-tu quoi ? Tu vas aller te coucher, et pendant que tu te reposeras, moi, qui suis plus habitué à veiller, je piocherai les rébus du dossier. Je commence à soupçonner que notre tante a réellement consigné ici de mystérieux points de repère. » La précaution qu'elle a prise de les rendre peu intelligibles aux vulgaires me démontre que l'affaire est plus sérieuse que je ne croyais tout d'abord. Les difficultés que je rencontre me piquent au jeu. Je veux en avoir le cœur net, et je tiens à venir à bout de cet irritant problème. Bonne nuit. Demain matin, je te donnerai le résultat de mes investigations. » Clément obéit. Il alluma son bougeoir et monta dans la mansarde qu'ils occupaient ensemble. Edme s'était remis intrépidement à la besogne. Plume en main, il dépouillait et retranscrivait les annotations griffonnées sur des bouts de papier, puis les rapprochait les unes des autres en cherchant à les interpréter. Il piocha ainsi longtemps. Quand il releva enfin la tête, minuit sonnait. Il referma alors le tiroir du chiffonnier, emporta le dossier sous son bras, et d'un pas léger regagna la chambre commune où Clément dormait d'un profond sommeil. Un matinal rayon de soleil les éveilla tous deux presque à la même heure. La première chose qu'aperçut Clément en ouvrant les yeux fut le dossier de la tante Charmette, posé sur la table de nuit. Edme était déjà levé et terminait sa toilette. « Allons, grouille-toi, paresseux, » cria-t-il, « et habille-toi vite, nous avons à causer. »« Est-ce que tu as trouvé la clé des rébus ?» demanda le cadet en sautant lestement hors du lit. « Peut-être bien. » Après qu'une ablution d'eau froide eut achevé de réveiller Clément, les deux frères s'assirent sur le lit avec le fameux dossier étalé entre eux. « Écoute-moi bien, » reprit Edme, « et prête-moi toute ton attention. Le trésor n'est pas une fable, et très probablement, il y a encore dans la cachette où l'on a enfui notre grand-père. « Hein ?» s'exclama Clément. « N'avais-je pas raison de prétendre qu'il n'y a pas de rébus indéchiffrable ?»« Oui, le tout était d'obtenir le déchiffrement au moyen d'une méthode rationnelle, et ça n'a pas été sans peine. » Après bien des combinaisons, il m'est venu à l'idée que la feuille de contribution que voici devait servir de fil conducteur. En effet, ce papier officiel établissait tout d'abord deux faits positifs. Premièrement, l'existence d'un champ planté en trèfle et d'une friche contiguë dite la vignée. Deuxièmement, la certitude que notre tante était restée propriétaire de ces deux parcelles, puisqu'elle en a payé les impôts en 1874. Je me suis alors reporté au plan du chèvre-chêne, et j'ai constaté que la parcelle de gauche était désignée par une figure représentant grossièrement une feuille de trèfle, ce qui m'a permis de lire la ligne griffonnée en caractère abréviatif « trèfle et vigne invendent », c'est-à-dire le champ de trèfle et la vignée invendue. Cela corrobore les renseignements de la feuille des contributions. Donc, plus de doute sur ce point. La tante n'a pas compris dans la vente de chèvre-chêne ces deux parcelles de minime importance, et si elle les a conservées, c'est sûrement pour demeurer propriétaire du sol où gît la cachette. Cette première constatation m'a amené à reconnaître que la tante figurait intentionnellement, par d'informes dessins, les notations qu'elle voulait tenir secrètes. En examinant attentivement sur le plan les dessins ébauchés dans la pièce située au-dessous de la vignée, j'ai deviné qu'ils indiquaient deux rangées d'arbres et que l'essence de ces arbres était représentée par le signe O+, qui n'est autre qu'une cerise. Par suite, j'ai pu rétablir cette autre ligne, en bon français, deux rangées de cinq cerisiers, cinquième à droite, bigarrotier. Ceci se rattache à une autre mention plus facile à déchiffrer et qui porte du bigarrotier à un endroit de la vignée marqué par des signes trois étoiles, deux toises de distance. C'est là sans doute que le trésor a été enfoui. Voici maintenant les indications relatives au contenu et au contenant de ce trésor, indications abrégées, mais faciles à compléter et dont j'ai reconstitué le texte. Cassette en cœur de chêne à une profondeur de 3 pieds. Or, 1000 ducats d'Autriche, 500 guinées, 1000 napoléons. Pierre, turquoise, rivière de diamants, rubis et diamants, diamants et émeraudes. Papier provenant de l'armoire de fer et reliques de Marie-Antoinette. « Ah ça, mais c'est une fortune !» s'écria Clément et Bobby. Le ducat d'Autriche valait 11,75 francs. La Guinée vaut 25 francs, ce qui fait au bas mot, avec les 1000 napoléons, une somme de 44 250 francs. Les pierreries, au taux où on les vend aujourd'hui, doivent représenter une 50 000 francs. Mazette, es-tu sûr de la reconstitution ? Très sûr, il n'y a dans tout ce grimoire qu'une seule note dont je ne comprends pas la portée. Gnaphalium auratum. Ce doit être un nom de plante, mais que vient-il faire là ? Toi, qui à l'exemple de la tante a étudié la botanique, peux-tu me dire ce que ça signifie ? La gnaphale dorée, répondit Clément, est une composée, une sorte d'immortelle, l'hélichryse des Grecs. C'est une plante fort rare dans nos pays de l'Est. Si la tante Charmette a inséré ce renseignement dans ses notes, c'est certainement avec intention. Elle avait sans doute remarqué que ce gnaphale peu commun poussait dans la friche de la vignée, où il est indiqué par le signe 3 étoiles sur le plan. Ton interprétation, approuva Edme, est vraisemblable et concluante. Seulement, depuis 1805, la friche a pu être bouleversée. Il y a des chances pour que ton gnaphale ait disparu. D'abord, riposta Clément, une parcelle restée en friche ne se modifie guère, et il est sûr que la tante Charmette, seule propriétaire, n'y a pas touché. C'est ici que le gnaphale doré va être pour nous un indice précieux. S'il pousse encore aujourd'hui la vignée, il y a 100 à parier qu'aucun bouleversement n'a eu lieu et que la cachette est intacte. Oui, murmura Edme songeur, c'est à voir. Eh bien, qui nous empêche d'y aller voir ? Dame, reprit l'aîné, la chose me paraît faisable. Quand ce ne sera que pour couper l'herbe sous le pied à ce fouinard de marchand de biens et lui mettre des bâtons dans les roues. Même en ce cas, il faudrait se hâter. Partons dès demain, proposa Clément en s'échauffant, et préparons-nous dès cet après-midi. Nous sommes en vacances, profitons-en. Je vais tout de suite prévenir Monique. Va, mais sois prudent, recommanda Edme. Il est nécessaire que notre projet ne soit pas divulgué. bien que j'aie confiance en la discrétion de notre vieille bonne. J'estime qu'un secret n'est bien gardé que lorsqu'on le garde en soi-même. Borne-toi à annoncer à Monique que nous partons pour excursionner pendant 8 ou 10 jours dans la forêt d'Argonne. Du reste, pour mieux dépister les curieux, nous ferons des tours dans la direction de l'île en Barrois. Nous gagnerons ensuite la vallée de l'Air, et nous nous rabattrons sur le Chanois par Saint-André et Souilly. Nous voyagerons en touristes, pédestrement et sac au dos. Ce sera charmant, s'exclama le cadet en battant des mains. J'emporterai de quoi dessiner et herboriser. Nous vivrons en pleine liberté, flânant par monts et par beaux, comme des aventuriers qui vont à la conquête de la toison d'or. Ou au devant d'une désillusion, corrigea Edmond hochant la tête. N'importe. L'aventure mérite d'être tentée. Elle nous procurera du moins l'avantage de connaître plus intimement tout un canton de notre pays natal. Pendant que tu t'occuperas des préparatifs, je vais me munir d'une bonne carte routière. Le lendemain, dès la prime aube, Edmond réveilla son frère, et tandis que les coqs du voisinage claironnaient, les deux garçons revêtirent leur équipement de touristes, chaussèrent de gros souliers ferrés, bouclèrent leurs guêtres et descendirent dans la cuisine où Monique, levée avant le jour, leur avait confectionné un premier déjeuner. « Tenez, dit-elle, avalez une tasse de chocolat. Ça vous tiendra chaud à l'estomac et partout. Vous trouverez dans vos sacs un poulet froid, du pain et du vin, pour le cas où vous seriez tenté de dîner sous bois. Maintenant, si c'est un effet de votre bonté, vous m'indiquerez l'adresse à laquelle je pourrai vous envoyer des nouvelles. « Notre adresse ? » répondit Edmond. « Nous serions bien embarrassés de te la donner d'avance. Mais dès que nous aurons choisi un gîte, nous t'écrirons. » Il était en train de glisser dans son sac le précieux dossier de Mademoiselle Charmette ainsi qu'une feuille de la carte de l'état-major. Clément, qui avait introduit dans le sien un album et une boîte de crayons, passait en bandoulière un étui de botaniste lorsque Monique reprit d'une voix grondeuse. « Alors vous ne savez pas où vous coucherez ce soir ?»« Ma foi non !» repartit allègrement le cadet. « À la bonne aventure !»« Comme des camps volants !» ronchonna la servante peu rassurée. « En voilà un métier. Je ne serai tranquille que lorsque j'aurai reçu un mot de vous. »« Nous t'expédierons un télégramme. Ne sois pas en souci, ma chère Monique. Tout ira bien. »« Allons, à la grâce de Dieu, et surtout, soyez sages. » Ils prirent congé de la vieille servante en l'embrassant, puis, sac au dos et bâton en main, ils s'esquivèrent, tandis que le brouillard gris du petit matin rampait le long des berges de la rivière.